Génération 35 heures, génération enfant roi, génération internet, génération McDo, génération Tanguy, génération zapping, les qualificatifs ne manquent pas pour parler des jeunes. Du coup, pas forcément facile pour les vieux de cerner cette jeunesse dans tous ces clichés. Nous en parlons avec vous, Denis Moneuse, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et auteur du livre « Les jeunes expliqués aux vieux » paru aux éditions de l'Harmattan. Les jeunes, ils sont difficiles à cerner pour les vieux. Pour quelles raisons exactement? En fait, je crois que ce qui est difficile pour les vieux, entre guillemets, de cerner, c'est de s'extraire des clichés qui existent aujourd'hui sur les jeunes, ce qu'on appelle la génération Y. Et donc, il y a beaucoup de clichés qui existent sur les jeunes qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas intéressés par la politique, qui ne sont pas prêts à faire des efforts, à s'engager dans la société, etc. Donc, ce qui est difficile, c'est de s'extraire un peu de ce discours dominant pour voir les jeunes tels qu'ils sont réellement et non pas tels qu'on les présente de façon un peu trop généralisatrice parfois. Il y a une part de vérité ? C'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est de partir de ces clichés pour voir dans quelle mesure ils sont vrais ou faux. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de dire que c'est à la fois c'est un peu vrai, mais aussi un peu faux à chaque fois aussi. Donc ce qui est important, c'est justement de voir les nuances ou de comprendre pourquoi les jeunes agissent comme ça et pas autrement. Plutôt que de les juger, l'idée, c'est vraiment de les comprendre pour mieux les apprécier éventuellement et les aimer. On entend souvent les vieux dire « Ah, c'était mieux avant ». Oui, en fait, c'est un réflexe classique et j'imagine que les jeunes d'aujourd'hui diront dans 20 ans, dans 30 ans aussi que c'était mieux avant. C'est classique parce qu'en fait, on a besoin de se rassurer et se dire finalement, le monde qui bouge et que représente la jeunesse, il fait peur parfois parce que c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Et donc, de se rassurer en disant que finalement, avant, il y avait des valeurs qui étaient bien définies, il y avait des normes qui étaient respectées, etc. Même si c'était pas nécessairement le cas, c'est rassurant pour se dire finalement que la société n'est pas en train d'éclater, mais que elle se reproduit bon an mal an. Les jeunes, pour vous, s'il fallait donner une définition, en quelques mots, c'est pas facile, qu'est-ce que vous diriez? Justement, ce qui est compliqué, c'est de la tendance toujours, c'est de vouloir enfermer les jeunes dans une catégorie. Et pour ça que ce que j'explique au début de la préface du livre, c'est qu'il existe au moins 70 qualificatifs différents pour qualifier cette génération, comme l'avait dit au départ. Si je devais retenir un seul, je dirais génération caméléon. Au sens que ce qui m'a frappé dans cette enquête, en regardant un peu comment sont mes étudiants, comment sont les gens de mon âge ou d'autres jeunes que j'ai pu interroger à droite à gauche dans différentes entreprises, c'est leur capacité finalement à être différents d'une minute à l'autre. Au sens, on peut avoir un jeune très sérieux au travail et 5 minutes après, il va passer son temps à envoyer des textos pendant la pause café avec ses collègues. Après, il va revenir travailler. 5 minutes après, il va peut-être aller retourner sur Facebook. Donc, il y a un côté changement qui est extrêmement frappant et je pense qu'il caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi le dialogue est si difficile entre les générations ? Je sais pas s'il est difficile, il me semble qu'il est peu fréquent. Au sens, il me semble qu'il y a relativement peu d'espace de dialogue pour des générations différentes, que ce soit dans la famille, peut-être dans l'entreprise. Au sens où on voit beaucoup de gens avec les écouteurs aujourd'hui, donc chacun reste un peu dans son coin, écouter sa propre musique, devant son propre écran. Etc. Au lieu de partager des moments ensemble et après de discuter du film qu'on a pu voir ensemble, de discuter de tel projet, etc. Ensuite, je pense que la difficulté, elle tient beaucoup à des préjugés que les uns peuvent avoir sur les autres. Donc chacun reste un peu dans sa bulle, dans ses préjugés, et cherche plutôt à les conforter plutôt qu'à les confronter à la réalité en discutant et en remettant en cause en fait ses propres visions. Donc il faudrait plus de discussions. C'est ce que j'essaie de prôner en fait, en espérant que ce genre de sujet puisse à la fois nourrir des discussions en famille, par exemple, ou au travail entre des gens de générations différentes. C'est ce que j'essaie de faire un peu au quotidien quand je fais des conférences dans des entreprises. Je suis souvent frappé de voir que les gens s'asseyent par ordre d'âge dans les amphithéâtres, par exemple. On voit au premier rang, on va avoir des gens plutôt âgés, et puis au dernier rang, on va avoir les jeunes. Donc on voit qu'il y a peu de mélange qui se fait dans le monde d'entreprise ou dans la société en général. Comment les vieux, entre guillemets, peuvent rester à la page ? C'est vrai qu'on dit souvent que les parents éduquent les enfants, mais je crois que les enfants ou les jeunes ont beaucoup aussi à faire pour éduquer leurs parents, leurs patrons, etc. Pour rester à la page, ce qui me semble important, c'est d'être prêt à se remettre en cause et à se dire finalement que les jeunes, qui sont parfois décriés pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ils ont aussi quelque chose à apporter. Et c'est de voir finalement qu'apportent ces jeunes, quelles sont leurs ressources et en quoi finalement leur façon de faire peut être intéressant et peut aussi moi m'amener à changer. Et les jeunes de demain, à quoi est-ce qu'ils vont ressembler ? Alors, en fait, ce qu'on appelle parfois la génération Z, après génération Y ou... La génération Z. Voilà, après Z, je ne sais pas comment on appellera la génération A ou autrement. Et ces jeunes, en fait, je pense qu'ils seront un peu dans la même lignée, de façon un peu plus caricaturale encore que la génération Y, au sens où leur distance vis-à-vis des institutions en général, que ce soit l'État, la justice, les entreprises, etc., ou les médias, seront encore plus distanciés. Et donc, c'est peut-être la crainte qu'on peut avoir, c'est voir dans quelle mesure on peut réussir à établir un contact, un lien entre les jeunes et puis les grandes institutions de la République. Merci Denis Moneuse, sociologue, auteur du livre « Les jeunes expliqués aux vieux » paru aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup.